C'est vrai. Assurons. Nous disons Amen. Hein? Amen. Nous disons Amen. Amen. Alors, écoutez encore. Maintenant, croyez-vous que je suis son prophète? Pas seulement le prophète de Dieu de manière plus explicite comme cela. Croyez-vous que je suis son? Cette question-là, elle revient 250 fois dans les prédications. Dans les différents mois toujours. On a demandé à 250 personnes. Mais on a demandé à 250 personnes qui étaient dans la prière. Croyez-vous que je suis son prophète? Et à 153 personnes, dans la ligne de prière du discernement, il a demandé, croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Alors c'est pas quelque chose avec lequel on s'amuse. On ne raconte pas cela à la légère. Mais il faut savoir de quoi vous parlez. Et qu'est-ce qui est lié à cela? Vous aurez la récompense du prophète. Lorsque vous recevez un prophète en qualité de prophète. Nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen. Maintenant, il y a une autre déclaration que j'aimerais quand même que nous puissions lire ici dans le sermon les dix vierges. Oh mon Dieu. Dans le sermon les dix vierges, Frère Branham a eu à dire une chose. Je vais lire dans les deux vierges. Dix vierges prêchées le 11 décembre 1960. Eh bien, cela peut avoir l'air d'un enseignement. L'air d'un enseignement. Alors, dit, je ne suis pas. Vous voyez? Je suis loin d'être un docteur. Mais l'enseignement tranche. C'est un don spécial dans l'école de Christ. Premièrement, il y a les apôtres. Puis les prophètes. Puis les docteurs. Les évangélistes. Et les pasteurs. Cinq dons relatifs au ministère dans le corps. Et l'enseignement est l'un des dons de l'esprit. Bien, je dois continuer péniblement mon chemin avec ce que je crois être juste et essayer de l'apporter aux gens. Étudier les écritures et les rassembler. Mais je suis loin d'être un docteur. Je suis loin d'être un docteur. Mais je dois continuer mon chemin. Et essayer d'apporter aux gens ce que je crois être la vérité. Comment il procèdent? Il étudie les écritures, il les rassemble. Maintenant, parmi les cinq ministères, qui a la particularité d'étudier les écritures et les assemblées? Miséricorde. Mais seul, celui qui est en Christ, dans le corps de Christ, doit être en Christ. Vous savez pourquoi il a eu il est loin d'être un docteur. C'est parce qu'il n'avait pas étudié. Il n'avait pas l'érudition. Parce qu'il posait qu'un primérien comme William Branham, qui est le professeur de théologie, et lui, mon ministre, je suis docteur. Mais c'est encore un scandale. Les gens vont être en train. Miséricorde. Mais pourtant le travail, je le fais. Étudier les écritures et les assemblées. Il nous a dit dans le sermon, l'avertissement précisément. C'est un docteur, c'est un homme spécial. C'est quelqu'un qui peut s'adonner sous l'onction du Saint-Esprit. Et mettre les passages de la parole en relation les uns avec les autres. De manière telle que ni apôtre, ni pasteur ne peuvent lui être comparés. C'est ça le docteur. Grâce à mes écritures, mets le pont. Okay. Mais il est loin d'être un docteur. Maintenant, comment cela a été traduit par le frère Alexis Barillier, Père à son âme, la version des six, les dix vierges. Donc, les dix vierges péchées le 11 décembre 1960, la même prédication. Maintenant, l'autre version ici, à partir du paragraphe 37, paragraphe 37 et 38, vous allez voir. Ce matin, nous allions mettre ces choses tout à fait au clair. Vous êtes soit dans ce corps, soit en dehors de ce corps. Il n'y a pas de position intermédiaire. Il n'y a pas de chrétien, pas mal que ça. Ou vous êtes chrétien, ou vous ne l'êtes pas. Ça, c'est l'enseignement qui tranche, n'est-ce pas? On est là, il est qui s'est on ne peut pas dire que je suis quand même chrétien. Ou dans une mesure, je suis quand même chrétien. Vous êtes chrétien ou vous ne l'êtes pas. Tranchons. Là, quand il m'a tranché. On a ne vous l'êtes pas. Dans les fous. Je la prenez là. Ok. Il n'y a pas d'oiseau à la fois noir et blanc. Et ça, n'a pas de côté de la paix, mais son wind. Ni l'homme à la fois. Ivre et sobre. Tout le monde a la c'est impossible. Vous savez, Mathieu. Ou bien vous êtes un chrétien. Christ. Ou bien vous n'êtes pas un chrétien. Non, Christ. Alors, vous êtes soit en Christ, soit en dehors de Christ. Et non, non, vous savez, la carte de Christ, toi, il va dans la Christ. Parce que chacun de nous c'est là. Vous ne pouvez pas être en même temps en Christ, et en même temps en Christ. Vous êtes des hommes, vous êtes des hommes. Vous n'êtes pas des gars. Vous êtes chrétien, vous n'êtes pas. Vous ne pouvez pas être un pécheur et en même temps un saint. Vous êtes un saint. L'enseignement tranche. Il y a qui s'est venu au et on doit mettre ces choses au clair. Cela a l'air d'un enseignement. Mais écoutez comment ça traduit la phrase là. Mais je suis tout sauf un docteur. Donc dans les cinq ministères de Ephésiens 4, on dit, Père Nam dit de lui-même, que décide toi-même. Je suis tout. Nazali non. Mais sauf un docteur. Kasi, mon acquisité. En d'autres termes, il a dit indirectement qu'il était prophète. Mais de manière voilée. Il dit, je suis tout. Nazali non. Sauf un docteur. Alors, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs, il y a les docteurs. Maintenant, lui, il est tout. Il est Nazali non. Sauf le donc les quatre là, il est ça. Apôtre, oui. Thomas, oui. Prophète, oui. Évangéliste, oui. Pasteur aussi, oui. Mokeng, oui. Il est peut-être seulement un docteur. Mais de manière voilée. Quand il faut dire s'il est missionnaire, il le dit ouvertement. Quand il faut dire, je suis évangéliste, des centaines de centaines de fois. Je suis évangéliste. Il dit. Ok. Père Branham, que dit-il de toi-même? Je suis tout, mais sauf qu'un docteur. C'est Dieu nous aide. Sauf un docteur. Je suis apôtre. Je suis prophète, je suis évangéliste, je suis aussi pasteur, mais sauf un docteur. C'est ce que vous comprenez, non? C'est ce que moi je comprends. Je comprends simplement. Quand il dit je suis tout, sauf un docteur, il est le même à Ephésiens 4. L'enseignement tranche. C'est un don spécial dans le corps de Christ. Premièrement, il y a les apôtres, puis les prophètes, puis les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Cinq ministères dans le corps. Et l'enseignement est l'un des ministères de l'esprit. Et salut mon corps, le tombeau et mais je me borne à prendre ce que je vois être juste. Il a essayé de la porter aux gens. Et j'essaie d'étudier et de faire concorder les versets qui vont ensemble. Mais que décidez toi-même simplement. Et vous alors, après cette leçon, vous me direz, qui dites après vous? Qui dites-vous que Frère Branham est? Ce n'est pas une question d'identification du ministère. Vous allez dire, qui dites-vous que Frère Branham est? Branham est l'inal. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Ok. Mais seul celui qui est en Christ. Dans l'école de Christ. Est destiné à être agréé. Voilà ce qu'il dit là-bas dans le déviage. Donc, il est tout sauf un docteur. Mais la traduction qui est plus conforme à l'original en anglais, c'est je suis loin d'être un docteur. Quand il a parlé en anglais, s'il faut traduire un peu plus fidèlement, c'est je suis loin d'être un docteur comme Shekina l'a fait là. C'est-à-dire, je suis tout sauf un docteur. Ah, miséricorde. Que Dieu nous aide là et nous éclaire chaque fois. Et c'est maintenant une autre chose qu'il va dire ici. Frère Branham, que dit-il de toi-même? Dans les questions-réponses du 12 janvier 1961. Je prends le paragraphe 57. Et 58. Et bien, suivez ceci. Quand Dieu m'a appelé à être un évangéliste, je voulais moi être un pasteur. Quand Dieu m'a appelé à être un évangéliste, je voulais moi être un pasteur. Et je pensais que rester ici à la maison serait vraiment une bonne chose. Alors le Seigneur m'a appelé. Et finalement, tout le monde s'est rassemblé. Il n'y en a aucun ici ce soir, hein, encore en vie. Donc, il n'y en a plus aucun. Il n'y en a plus aucun. Donc, bateau, le bateau Branham, auditoire, il y a bateau à l'île. Il y a six gars. Il y a un bateau à l'île de l'église. Mais plus personne en fait. Il pleurait et s'en allait au numéro 17-17 de la rue Spring. Et une dame, madame Hawkins, me rencontrait et dit, elle pleurait. C'était pendant la crise. Et quand quelqu'un dans le voisinage préparait un plat de haricots, et qu'il nous venait tous pour en manger, et elle dit, je rationnerai mes enfants à table, si seulement vous construisez un tabernacle. Madame Aukis. Donc Dieu l'a appelé à être évangéliste, lui-même l'a appelé à être pasteur. Vous voyez ce qui est grosse des fois la réponse du prédicateur? Dieu a un plan pour l'homme, mais l'homme aussi a des idées. Dieu qui ne veut pas le faire, mais des fois il voudrait le faire. Je voulais être pasteur. Maintenant, il y a des gens qui sont rassemblés là-bas. Ils ont commencé à pleurer. On a une adresse au numéro 17-17. De la rue Spring. Et puis une dame est venue même. J'avais servi mes enfants à table, seulement si vous construisez ça. C'est-à-dire que personne là voulait que lui soit pasteur. Lui, la petite Branham voulait être pasteur. Mais là, il sent l'appel pour les évangélistes. Allez dans les champs de mission. Allez évangéliser. Et à la personne, les gens qui veulent faire de lui pasteur. Mais lui-même aussi, lui-même voulait être pasteur. Quel est tiraillement? Mais il ne voulait pas aller faire le pastorat. Il m'a appelé, je passais. Je risque d'avoir des problèmes là-bas. Parce que la loi de Dieu pour tout homme est de rester avec son appel. Vous rappelez les femmes? dans les sermons, l'influence de nous, on l'a répété. La loi de Dieu pour tout homme, c'est qu'il doit arriver avec son appel. N'allez pas faire quelque chose que c'est à quoi Dieu vous appelle. Alors cette dame est venue avec la pression. Les hommes ont pleuré, ils sont allés devant la télévision. Mais j'ai été appelé à être un évangéliste. Cela se trouve juste ici dans cette pierre angulaire. Si on pouvait y accéder ce soir, vous liriez sur une feuille de garde arrachée de la Bible. Là où c'est écrit qu'il m'a dit d'être un évangéliste, c'était de faire l'œuvre d'un évangéliste. Suivez maintenant. Et je n'étais pas un pasteur prospère. Et je ne laisserai jamais. Parce que je n'ai pas la patience. Et c'est ce qu'il faut pour être un pasteur. Je dis amen encore. Bon, je suis tout sauf un docteur. Ou je suis loin d'être un docteur. Merci. Je ne suis pas un pasteur, je n'étais pas un pasteur prospère. Et je ne laisserai jamais. Pour quelle raison? Parce que je n'ai pas la patience. Et ce qu'il faut pour être un pasteur. Est-ce que vous dites encore amen? Je vous ai dit à la fin, vous allez me dire, qui dites-vous que frère Branham est? Les frères du message disent, et les autres en français, et les frères des gens ont porté là-bas, les gens de l'église, les sous-titres de l'église, ils ont dit, les gens de l'armée de victoire, mais vous, qui dites-vous qu'il est? Non, vous allez me dire, à l'inan. Ok. Voyez-vous, mais pourquoi si j'avais essayé d'être pasteur, je me serais trompé. Autant qu'un pasteur qui essayerait d'être un évangéliste. Donc s'il avait essayé de s'identifier, de dire je suis un pasteur, il se serait trompé. De la même manière que quelqu'un que Dieu a voulu faire de lui évangéliste. Quelqu'un que Dieu a voulu faire de lui un pasteur, mais qui lui veut devenir un évangéliste. La loi de Dieu pour tout homme, c'est de rester avec son appel. Amen. Pourquoi il vous appelle à une tâche? Attention, les serviteurs ont aussi des idées et des sentiments. Ça peut les influencer. Et ça peut vous dérouter vos autres. Dans votre exercice de vouloir les identifier. Vous vous souvenez de ce que Jean-Baptiste a dit de lui-même? Et qui est Élie? Je le suis pas. Es-tu le Christ? Je le suis pas. Es-tu le prophète? Non. Mais qui es-tu? Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il est présent seulement la parole. Mais quand on a examiné la parole, et si nous avons compris qu'il était quoi? Un prophète. N'est-ce pas, amen? Et ce que je vous ai dit, il faut prendre ce que Dieu a dit au sujet de l'homme, et qu'il a dit à l'homme, et que la Bible dit à son sujet, et que le prophète dit de lui, c'est l'ensemble qui nous permet d'identifier de quel ministère il est. Et la meilleure réponse, vous l'avez par révélation. Quand Pierre a répondu à la question de Matthieu 16, il n'a pas répété ce que les autres croyaient que Jésus était. Mais il a sorti quelque chose de neuf. Qui venait fraîchement du ciel. C'est le Père Céleste qui lui avait révélé. Et nous en avons aussi besoin. Cette révélation du Seigneur. Et c'est tellement édifiant. Maintenant remarquez. Père Branham nous a fixé pour ce qui est de ce ministère. Et il a fait la distinction entre un évangéliste et un prophète. Dans les sermons, se ranger du côté de Jésus. Prêché le 1er juin 1962. Prenons le paragraphe 68. À 69. Oh mes chers amis, c'est terrible cet exercice ici. Mon salon venait aller sans. Question non, il s'est rangé du côté de Jésus. Maintenant, nous voici alors, juste ici à la fin du temps. Si Dieu m'a vraiment appelé. Maintenant écoutez. Ce n'est pas pour me répéter. Mais qu'il m'a appelé pour être son prophète. Alors, je ne suis certainement pas en train d'accomplir l'office d'un prophète. Pourquoi il dit ça? Le prophète n'évangélise pas. Toutes ces années depuis 1933 jusqu'à 1962 où il parle ici, il avait sept tours du monde, sept. Et puis il ajoute, j'ai pratiquement prêché dans chaque nation qui est sous les cieux. J'ai pratiquement prêché dans chaque nation qui est sous les cieux. Et j'ai fait cette fois le tour du monde. Dans des voyages missionnaires. Et il a pratiquement prêché dans chaque nation. Êtes-vous là? Là où ces pieds physiques ne sont pas arrivés, les bancs ne sont entrés. Déjà des sont vivants. Mais il y a des gens qui font des comparaisons charnelles. Le frère Branham aurait visité seulement 12 pays. Mais il y a d'autres frères qui ont visité plus de 100 pays. Vous lisez vraiment le message de vous autres. Est-ce qu'il lit vraiment le message? Ils affirment des histoires, ils répètent sa femme de l'État. Il y a des fausses là-dedans. Tout ce qu'il disait me dit que c'est que nous sommes dans la sainte doctrine. On ne remet rien en cause, on examine rien. On est dans des réunions, des réunions, et des mensonges sont entrés là-bas. S'ils y croient, ils doivent s'en couler. Après, c'est toujours la sainte doctrine. Parce que c'est de la manne pourrie. La parole de Dieu est fraîche et nous devons avancer jour après jour. Que Dieu vous assiste. Êtes-vous là? Amen. Oui, ne quittez pas encore. Ne dormez pas. Les prophètes n'évangélisaient pas. Mais de 1933 à 1962, plusieurs fois dans les voyages missionnaires. Avec ça, si Dieu m'a réellement appelé à être son prophète, sauf qu'il n'a pas béni. Mais ce que moi je suis en train de faire là, c'est le même ministère de prophète. Les prophètes n'évangélisent pas. Un prophète se cache dans le désert. Avant de parler de sauver. Seul avec Dieu. Jusqu'à ce qu'il saisisse exactement. Et directement ce que Dieu veut qu'il fasse. Alors ils sont tout droit pour donner son message. Et il retourne encore dans le désert. Il n'est pas un évangéliste. Il tient des réunions et qu'il y a des coopérations et toutes les choses comme le font les évangélistes. Il n'enseigne pas comme les évangélistes. Un prophète, Il a le esprit de le Seigneur. Voilà et c'est tout. Il donne cela. Il annonce voilà. Advienne que pourra. Puis il ne répond pas. Personne ne sait où il se trouve. Mais il est là dans la solitude quelque part. Oh, pendant toutes ces années, ce n'est pas ce que Frère Branham fait. Oui, il est venu pour le concilier de frères, les assemblées de Dieu là-bas, les histoires, faisant le travail de l'évangile. Maintenant, s'il m'appelait à être cela, je ne peux pas être un évangéliste. Et s'il m'appelait à être un évangéliste, je ne peux pas être un prophète. Maintenant, c'est chez vous. Ce que je me dis, quand Dieu appelle un ministère, n'importe la personne peut être porteur d'un deuxième ministère, mais l'église ne sait pas en même temps. Dieu a assigné une fonction à la fois. C'est ça le problème. Si vous voulez faire les tours à la fois, ça ne peut produire que la confusion. Et qu'on est nommé les moumous. Alors, je ne sais pas que faire. Je œuvrais avec révérence quand il m'a parlé premièrement sur le fait que je tiendrai la main des gens et que je prierai pour eux et qu'ensuite je connaîtrai les secrets de leur cœur et qu'ainsi toutes différentes choses. Cela était failli. Vous savez bien que cela doit être la vérité. Vous entendez vous cesser là. Voyez-vous? Et comment il m'avait dit que cela balayerait le monde entier. Et c'est ce qui est arrivé par cette fois. Chaque nation sous les cieux a entendu cela. Partout, les journaux, les analystes, les machines, partout. Je ne sais pas comment cela s'est donc accompli. Mais du monde entier, les lettres viennent. Et les gens en provenance de la Thaïlande. Et de chez les Otanto là-bas. Vous voyez? Comment ces missionnaires se sont attroupés là-bas? Avec des bandes. Et on donnait cette interprétation de la parole. Et maintenant nous recevons les nouvelles venues du monde entier. Partout dans le monde. Maintenant, l'Église est universellement prédestinée. Comme il a dit, il y aura deux dans un lit. Deux dans un champ. Et on prendra l'un et on laissera l'autre. Vous voyez ça? C'est ça. Donc le ministère d'évangéliste est un peu incompatible avec celui d'un prophète. Mais le prophète a eu à faire ça. Il a fait ce travail-là. L'œuvre d'un évangéliste. Il était appelé à faire l'œuvre d'un évangéliste et quand il a mis la pierre, posé la pierre angulaire du Branham Tabernacle, il a arraché la page de sa Bible, de 1 Timothée 4, il écrit fait l'œuvre d'un évangéliste. Or, le premier appel du prophète Branham était que ne fume pas, ne bois pas, ni ne suis ton corps d'aucune façon. J'ai une œuvre à accomplir avec toi quand tu seras plus seul. L'œuvre prédestinée pour laquelle Dieu l'avait mise à part avant même sa conversion, avant son baptême d'eau. Avant de répandre, je vais accomplir à un âge fermement. Mais en attendant que c'est ça, j'arrive. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Et il a accompli le travail missionnaire d'un apôtre. Pendant des années. Alors, dans un sermon ici, comme je vous l'ai dit ici, dans les questions et réponses, du 27 mai 1962. Question et réponse du 27 mai 1962. C'était à peu près 5 jours avant le jour où il a parlé. Zalaki, l'économie tant dans yambo que Allah va penda na oya talaki a olubake pona kozala nangamba na Yesu Kristo. Voilà ce qu'il était en train de dire. Paragraphe 232 à 233, il était à bout. Il était à bout. Il dit, je prie pour vous. Vous priez pour moi. Ne vous limitez pas à dire, fais un homme, je vais le faire. Faites-le. Donc, priez pour nous. Vous voyez, je compte sur cela. Je suis celui qui a besoin de prière. Si seulement il peut me pousser à aller quelque part. Souvenez-vous, je suis un être humain. Je ne suis pas Dieu. Amen. Je ne suis qu'un être humain comme vous. Amen. J'essaye de trouver la volonté de Dieu. Afin de m'y conformer. Personne ne le saura. À moins que... Et que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Et c'est ce que je fais. Je la demande à Dieu. Et je vous en parle à cœur ouvert. À vous comme mon église. Où en sommes-nous? Où nous tenons-nous? Dans quelle heure vivons-nous? Nous sommes au temps de la fin. Je crois. Et je crois que nous sommes maintenant même à la fin. Bon, ça peut aller dans un sens ou dans un autre. Ainsi, où mon œuvre est terminée. Mon œuvre. Où je suis appelé dans le champ missionnaire là-bas. Ou alors il fera de moi un évangéliste ou un voyant. L'une de ces choses doit arriver. Car je suis à bout. Le 27 mai 1962. Tout d'être conduit par Dieu. De découvrir quelle est la volonté de Dieu pour le Lebanon. Car je suis à bout. Pour les nids, pour être, la commune de Souka. Et il demande les prières de l'église. Il est là-bas, la chaîne nous fait. Il est là même qu'il comptait sur cela. Vous comptez pas dire, frère, non, je vais le faire. Non, faites les prières pour le bonheur. Même pour ce réunion. Donc je m'approche. Je priais, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas agir comme avant. Je veux m'en approcher comme autrefois là-bas. Je veux simplement reprendre l'évangélisation jusqu'à ce que tu m'appelles pour que je, pour ce que je dois faire. C'est-à-dire en réalité, on sait que suivre attentivement la progression du message dans le ministère de Frère Brenham, Dieu l'a amené dans une zone de transition. Ou dans son passeport d'ailleurs, la mention refus de visa était déjà posée. Donc, pour ceux qui étaient allés dans les champs missionnaires, arrivé ici en 1962, maintenant, il commence à se demander, je suis un évangéliste, je devais faire le vrai évangéliste, maintenant, l'État m'interdit de voyager. Je ne peux pas sortir des États-Unis. Alors, soit alors, mon œuvre est finie, je vais m'héritier de la chaise. Mais il sentait en lui-même que le message n'était pas encore complètement délivré. Et dans ce contexte-là, alors, il disait que si Dieu me retire de la chaise, alors il suscitera quelqu'un d'autre pour continuer avec le message. Et vous avez ça dans la brochure L'Esprit de vérité, paragraphe 20. molimo ya solo pekee. Kila chose qui doit se produire. Donc il est là pour la ma vie physique. Et c'est bon de n'aille pas se faire. Le message n'est pas gros sur le marché. Il est bien pour ça, il est bien pour ça. Et notre pension doit venir à toi. Mais si Dieu trouve que ça ne sera pas moi. Mais qu'il va le dire. Alors quelqu'un d'autre célébrera. Nous tous nous sommes célébrés. Ce sera comme ne pas oublier. Et vous l'église examinez. Il est écrit qu'il est écrit. Attachez-vous à lui. Amen. Mais il ne s'est pas arrêté là. Toujours dans l'esprit de vérité par exemple. Il a procédé. Mais si ce n'est pas le cas, et que Dieu continue à l'utiliser, c'est une nouvelle mesure du message vient encore. Et puis le mot qu'on explique à la chute. Et en vérité, c'est la deuxième assertion qui s'est accomplie. Et vous avez dit, Abraham n'est pas mort en 62. Même pas en 63. Mais à partir de 63, il y a la nuée de gloire qui est venue. Et une nouvelle dose. Une nouvelle dose. Une nouvelle ancienne. Et ça quoi la sika. Des nouvelles révélations. Il y a une nouvelle sika. Qui a fait que la Bible était devenue une nouvelle Bible, un nouveau livre pour ce branche. Et quand vous suivez alors le message, dès ce moment-là, vous comprenez que l'une de ces choses doit se produire. Et que l'hypothèse de sa mort est écartée. Alors l'hypothèse d'avoir un homme particulier auquel s'attacher après lui est aussi écartée. Vous avez le message sur bande. On a le message. Vous pas. Êtes-vous là? Vous avez là? Notre question c'était quoi? C'est ma mort, mon œuvre est finie. Il m'appellera à nouveau comme évangéliste. À côté de ce que ça vous dit, c'était venu. Et là, tu nous suis dit, après 62. Même si on a demandé les prières de l'église là. Dieu qui avait fermé la porte missionnaire. Pour ouvrir l'office du prophète. Pour déclencher la phase prophétique du ministère. J'espère que je ne parle pas des bébés pentecôtistes. Hein? Ah, vous dites quoi? J'espère que je parle dans les textes. Que vous êtes rendus à croire le message. Et entendre les choix prophétiques. Amen. Dieu n'a pas retiré ce bonhomme. Cette chose-là est écartée. Il l'a pas envoyé comme évangéliste à nouveau. Ça aussi s'est écarté. Mais ce qui a été compilé, c'est la nouvelle dose de message. Des révélations, des mystères cachés. Depuis la fondation du monde, les sept mots enseignés. Et ça s'est passé comment? Il est dans la solitude, l'ange descend avec le Seigneur. Il communique les passages bibliques. Il vient à la chair. Il prêche. Il retourne à la chambre. Dans la solitude. Voilà un prophète. Amen. Il ne s'agit pas d'évangéliser. Voilà. Mais d'apporter un signe du Seigneur direct. J'étais tellement inspiré. N'a pas de la qui peut la connaître. Alléluia. Le Dieu de son message est vrai. Amen. Voyez comment la chose s'est passée. Amen. Dieu, dans son peuple. Amen. manifestant ses propres voies, gardant certains secrets même à son propre serviteur, démontrant qu'il est le souverain qui paie tout. Et c'est bon là, que ce nom soit béni dans votre cœur. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Oh mes chers amis, je voudrais que vous puissiez comprendre ces choses et que dans notre vie nous puissions rejeter les confusions. Pour les langages fanatiques. Et si nous vous mettez follement dans son message, c'est vrai. Dieu, il est le Dieu de sa parole. Le message est affermi. Tout ce qui est que Branham vous dit ceci, en dehors de son message, rien d'autre ne peut venir à la vie. Amen. Vous qui êtes des fabricants de théories, des fabricateurs de théories, des théories impressionnantes, entendez-vous, Dieu a déjà confirmé un seul message. C'est en lui que tu es la vie. Si vous voulez la vie de l'église, appliquez le message. Ne vous contentez pas seulement de parler du message, mais appliquez le message. Et maintenant quand on livre les gens à Satan, ne vous que c'est que tout ne me fait voir, mais c'est le message qui arrive de la terre. Nous l'appliquons. Car Dieu nous a fait grâce de comprendre. Comme il a dit, si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes une prise à secret pour vous. Il sera tout clair, illuminé devant vous. Amen. Dans le sermon, le seul lieu d'adoration auquel Dieu est promis. Il a été prêché le 28 novembre 1965. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, le message n'est plus un secret pour vous. Il est la clé devant vous. Tout illuminé. Donc vous n'avez besoin de personne pour avoir une compréhension claire de la parole. Le Saint-Esprit va vous conduire à la vérité. Et nous, le Saint-Esprit va vous conduire à la vérité. Et c'est voilà, quand le temps de l'illumination est passé, le temps de former des groupes spéciaux est passé, le temps de former des cartels de croyance est passé, nous sommes dans l'âge de l'individu avec Dieu. C'est la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le prêt avec les nations, individuellement, et votre préparation à l'allèvement est le fruit individuel. Ne contestez aucun homme spécial. Vous pouvez dire amen. Réjouissez-vous cieux et vous les habitants des cieux. Car les noces là nous sont venues. Et l'épouse elle-même présente. Et dans les sermons, le départ soudain secret de l'Église. La préparation est individuelle. Si tu comptes encore aussi l'église, tu vas échouer. Tu comptes aussi les prédicateurs et le consort, tu vas échouer. La préparation est individuelle. De toi avec Dieu. C'est dans ta relation avec Dieu que le Père est présent. Nous disons amen. Nous continuons par contact que les gens viennent vous voir à la maison pour votre croissance spirituelle. Nous ne sommes pas l'église des baptistes ou des méthodistes. Nous sommes pas baptistes, nous pas méthodistes. Yo, on a gâté des pauvres, on a gâté mon panan, on a gâté mon panan, on a comment vous réveillez? Vous ratez les moments nécessaires. Vous continuez à la porte de l'église. Comment vous s'agissez? Le message, ce n'est pas la théorie des méthodistes. Est-ce que vous avez écouté les noms? Est-ce que votre frère va être à moi maintenant? Mais c'est lui qui a cru le message. C'est-à-dire qu'il doit se préparer lui-même. Vivre la parole de manière à être qualifié. Après, il va y avoir un apostat et un message. Amen. N'a compris que le message en ligne. Vous continuez à projeter le coin de message. Et le comportement c'est le double de prière. Les catholiques, les dominicains. Le message, c'est de prier chaque jour. Amen. Où croire le message et l'appliquer chaque jour. Arrêtez l'hypocrisie. Son conseil à mon niveau message, c'est l'homme pour les lettres. L'homme à pour les lettres, on y va à la lettre. On se classe. Comme ça, on s'appelle le soyez pas bon, bah ni le mangoyo. Si nous voulons parler des messages, tirez-toi avec ces gens-là. Nous sommes là, ça ne soit pas le cas. Amen. Dieu envoie un message de délivrance. Amen. Arrêtons l'hypocrisie. Amen. Na beli, na zina, atapeli yamutu moko. Na kufeli, na zi atapeli yamutu moko. Na fani na. Fani na ndako. Candidat de l'enfer. Fani na ndako. Je t'encourage, fani na ndako. Oyakia, oyela ki baso. Oyela ki ne préparation à l'informatique. Au talis couleur d'ailleurs. Mais ceux qui sont des dieux, écoutent les paroles de Dieu, et obéissent à la vérité de Dieu. Il n'y a pas de caprice à faire. Le prénom qui est un vrai chrétien, on ne le donne l'autre pas. Il n'a pas besoin qu'on vienne le flatter. Mais il doit planter le coup dur. Jésus-Christ doit-il seul porter sa croix? Amen. Et les autres que nous avons fait, quand Jésus montait le chemin du calvaire, qui était là pour l'aider? Qui était là pour l'aider? Ses propres disciples ont pris la fuite. Parce qu'il a dit, oh non, comme il est comme bon mot, vous voulez vous attendre, on va nous encourager un gars, vous voulez vous prendre ma casse, vous voyez, vous sondez un gars, la tigre n'a pas été. C'est quoi ça? Vous souhaitez à bête habitude. Baillonner. Ma tête est ma crachier dessus. Ma s'appelle est injurié. Ma fille. Mais il est allé jusqu'au bout. Voilà ton livre modèle. Voilà l'exemple à suivre. Voilà le nom dont tu es fier. Le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un chrétien. Semblable à lui. Oh, c'est calme, ma fille. Que le Seigneur t'aide de cette façon. Amen. L'enlèvement est proche. On n'a plus de temps à perdre. Nous n'avons plus besoin de distractions. Et de me faire enseigner dans l'église. Et c'est tout. A tourner ma film, à tourner ma film, à couper le vélo en face. On n'a pas besoin de ça. La préparation est sérieuse. Nous devons veiller à ce que tout ce qui se passe dans l'église ne soit jamais la parole. Et quelque chose que nous voyons le passé. Quelqu'un est là, il commence par la prière. Il offre la prière et puis il invite le conducteur des chants. Justement, nous faisons ce que le message dit. Cette vieille pratique là, on l'a vécu, on l'a vu là où on a. Je prie seulement l'ordre dans l'église. Citation. Ma. Citation. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. Ma. La question a trouvé réponse. Il y a plusieurs trucs qui s'appellent l'assemblée du message. Entrée des dames, c'est le même vieux système dénominationnel. Je vous ai dit, nous ne voulons la parole. Amen. Si vous trouvez que quelque chose n'est pas, venez avec les références. Nous venons seulement à vérifier. On ne fait pas les choses comme bon nous semble. Nous faisons ce que le message nous dit. Nous ne prétendons pas être parfaits. Vous allez corriger, le frère Brenham a travaillé de cette manière. Mais vous avez vu Qu'est-ce dit-il de lui-même? Nous avons un peu parcouru le point, le point et le point. Ça vous édifie, n'est-ce pas? Ah, que dit-il de lui-même? Mais maintenant, vous, que dites-vous qu'il est? Qui dites-vous qu'il est? Oh, frère, il faut donner la réponse, hein? Que dites-vous qu'il est? Oh, miséricorde. Il faut vraiment que cette grâce soit apportée. Et donc, les autres choses ont été dites. Maintenant, vous devez me dire, que dites-vous qu'il est? Que dites-vous qu'il est? Comme je vous avais dit à la fin. Quelqu'un peut-il répondre? Apôtre, Thomas, prophète, Moussakoli, docteur, Molakisi, évangéliste, Molakisi, pasteur, Mokengizi. Que dites-vous que Frère Branham est? Après avoir suivi cette prédication, la question que vous avez posée. Il y en a qui disent, je vous aide. Vous dire des gens. Maman vous paye, parce qu'il y a je dis frère Aaron ici. La voilà. Je crois que Aaron a. Qui dites-vous? Merci beaucoup, frère Maman. Qui dites-vous qu'il est frère Branham? Vous êtes connecté le programme de l'Inani. Malachie 4, 5 à 6. Il est pour lui. Malachie 4, 5 à 6. Dont nous n'avons même pas parlé ce matin. N'est-ce pas? C'est sa réponse. Non? Est-ce que moi je vais polémiquer avec ça? Non, non. Lui croit qui est. Qui d'autre? Qui dites-vous qu'il est? Frère Melo le Père. Voilà. Donc, il existe cet ministère. Alors, frère de Kabbalah. C'est sa réponse aussi. Chacun donne ce qu'il croit. Moi, je ne fais que surveiller. C'est fini? C'est fini? Frère Jean Toumba. Frère Toumba le Père. Parce que nous avons des enfants Toumba ici. Qui ont déjà cru. Donc, un apôtre, donc un serviteur de Dieu d'abord, un apôtre Thomas, qui a évangélisé, oui, mais un prophète de Malachie 4. C'est toujours le même frère Branham. Et ici, c'est le même pasteur. Il est même église, il est même nom. Vous entendez les réponses, comment sont différentes? On peut continuer? Je vais vous donner en parenthèse. Nous terminons déjà. Vous allez prendre votre petit repas bientôt. Vous dites, pasteur, comment c'est dans la famille? Il y a un cas de qualité, on se trouve dans le lit. Mais où est-ce que vous avez ici? Vous êtes sur le repas, non? La nourriture de l'âme d'abord. Ne dites pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Je vous donne l'exemple de Paul. Dans 1 Timothée chapitre 1. Verset 11, pour cet évangile, j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Vous mettez la version de Darby. Vous voyez un peu comment le verset est traduit. Pour lequel moi j'ai été établi prédicateur. Et un prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Quand Paul se présente comme prédicateur, c'est le ministère des prophètes. Ok, et apôtre, missionnaire, la même personne. Et docteur des nations. Molakisi. était à la fois prophète, apôtre, Thomas et docteur. Ça, c'est ce qu'il dit de lui-même. Paul était-il évangéliste? Paul, est-ce que vous parlez de ça, non? Était-il un évangéliste? Est-ce que vous parlez de ça, non? Non. Vous ne devez pas y citer les livres. Où est-ce que Dieu l'a envoyé comme évangéliste? Nulle part. Il n'y en a pas. Il dit ce qu'il dit ici de nous. Prophète. Oui. Apôtre. Oui. Docteur. Oui. Et c'est-il pasteur? Il a commencé plusieurs assemblées. Il était le surveillant général comme le pasteur. Mais avec une commission pastorale? Non. C'est là où je commence à vous aider. Mais si alors, la réponse que vous allez donner au sujet de Frère Branham. Et il y en a un qui dites-vous qu'il est? Devrait correspondre à la foi. Et à ce que la Bible dit à son sujet. Non. À ce que lui-même dit de lui-même. Mais aussi à ce que Dieu lui a donné comme commission. Quand si na en mettant les tout ensemble, vous ressortez sa vraie identité ministérielle. Êtes-vous là? Pouvez-vous continuer l'exercice? Moi, je vous ai donné la matière. Je ne vais pas donner toute la réponse. Chacun a donné une réponse. Continuez l'exercice. Maintenant, si le plus fort d'entre vous, faire qui nous ramener ça par écrit. Preuve à l'appui. Vous donnez la commission, ce que disait le message de son appel, et le travail accompli, et ce que dit Frère Branham de lui-même, ça vous réunit dans la prédication. Je vous ai résumé un peu. Il y a beaucoup à dire, mais j'ai fait deux. Ne me sors pas trop dans les prédications trop directes. Donc je voudrais vraiment que je dise une chose de conscience. Vous avez la matière aujourd'hui. Vous allez avoir un peu des éléments. Puis selon la commission, en accord avec le travail accompli, et ce qu'il dit de lui-même, vous allez voir des certaines phrases que lui a dit. Gentiment, nous y croyons, oui, nous respectons, mais son identité est ici. Même s'il n'a pas dit c'est voilà. À ce moment-là, vous savez qui est propre. Il y en a-t-il qui sont capables de faire son travail? Et ça n'a pas besoin de ma casse à costa la moussa. Je peux voir? Ok, comment? Ouais, donc ce sont ceux-là qui me promettent qu'ils vont m'amener. Ils me promettent. L'église est témoin. Et que les gens, vers Isaac, vers Rémi, vers Lunga, Giovanni, frère Saki, Nao. Frère Jétonema Bambou, frère Caleb Ngoma, Caleb, et frère, notre frère Clément. Pour frère moi. Clément. Côté soeur, soeur Priscille Mamba. Priscille Mamba. Ah, voilà. Mm-hmm. Ok. Et soeur Bénédicte. Là, Ndeko Bénédicte. Témon, très bien. Témon. Voilà. Merci. Deux soeurs et. Ndeko Bassimi Bali. Je vais pas les noms, mais j'ai cité juste les noms. Ça fait combien de frères? Ndeko c'est sur ça. Et donne mais les autres. Mais ma campagne est allée bien au dé. Yo, vous connaissez aussi l'engagement sur la vie. On nous va s'y comprendre à la plus. Selon la vérité biblique et le message que nous avons. Donc on a besoin de Dieu et l'instant. Qui est frère Branham? Vous êtes de l'église de Dieu. Vous êtes de l'église. Non, on a lu à écrire de l'instant. Qui est-il? Azalinaï. Vous donnez les éléments de la commission. Et de son identification personnelle. Ok. Et puis, concluer. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Tenons nous de vous pour la prière. L'amour de Dieu a dans le si grand que l'angle plus n'a pas plaidé. Oh, il va plus loin que la plus haute terre. Voilà, il atteint le plus bas enfer. C'est au coupable. Quelqu'un qui a un problème de santé, veuillez manifester en levant les doigts. Avec votre main droite élevée, regardez la partie du corps qui est souffrante. Touchez-la de votre main gauche. Je vais offrir une prière ici. Ayez foi en Dieu. Amen. Il guérit toute maladie. Amen. toute douleur. Patience. Ayez foi ici. Que votre esprit ne soit pas errant. Vos pensées ne soient pas dans la distraction. Soyez concentrés ici. La grâce de Dieu est avec nous. Il peut guérir chaque maladie. Il a promis de faire s'enfuir les douleurs. Quand l'ennemi viendrait par un seul chemin, Dieu le mettra en fuite par sept chemins. Sa promesse est infaillible. Il est Dieu ici. Il agit dans la simplicité. Nous n'avons pas de meilleures cloches ici. Pas de meilleurs habits de la vie. Mais nous avons la parole de vérité. Et Dieu reconnaît le message confirmé que nous gardons fidèlement. Et Dieu est prêt à l'honorer pour quiconque croira. Touchez et gardez la main droite élevée. Sachez que je vais invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et devant ce nom, aucun ennemi ne peut résister. Aucune maladie ne peut tenir. Toute opposition doit céder. L'opposition doit devenir la solution. La maladie doit se remplacer par la bonne santé. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste. La guérison divine est un acquis. C'est la bénédiction permanente. Amen. Que Dieu a donné à l'Église dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Tu as déclaré toi-même, je suis l'Éternel qui t'apporte la guérison. Au nom de Jésus-Christ, apporte la guérison, mon frère. Apporte la guérison, ma soeur. La parole de Dieu n'est que prêchée. Et là en elle la puissance de Christ. Qu'elle guérisse chacun maintenant. Ta main peut toucher nos infirmités. Tiens la main. La main gauche. Seigneur Jésus. La main gauche de toute personne ici qui a tenu la partie malade, qui a indiqué là où il y a son mal, au nom de Jésus-Christ, que le rayon de sa puissance saisisse cette main-là, traverse cette main-là, que la puissance de feu divin, la colonne de feu qui est dans son message, qui confirme la parole pour lui, traverse la main, atteigne les organes malades, chasse la maladie, brise le lien, Seigneur. Déchirer la gueule de pour qu'il ne puisse pas faire du mal à ton enfant. Que chaque maladie connaît Christ maintenant. Esprit de maladie. Quitte le corps, quitte le corps. Quitte le corps, quitte le corps. Va-t'en, va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit d'être là. Appartient à Jésus-Christ. Nous proclamons libérer les enfants de Dieu. Nous déclarons guérir tous ceux qui croient dans le puissant nom de Jésus-Christ, l'invincible et le vivant, le restaurateur et le libérateur. Seigneur, tu es notre Dieu. Nous comptons sur toi. C'est le seul nom. En qui y a tout. Aïe, pitié de nous. Ta miséricorde. Manifeste ta fidélité. La grande puissance de Dieu qui vit dans son message. Honore le message pour eux. Afin qu'ils aient un élément. Comme quoi Dieu vit encore. Dieu nous connaît. Dieu pense à nous. Dieu nous aime. Au nom de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus Christ, notre Sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. À l'agneau de Dieu. Chacun. On peut parler à Dieu. Vers eux, mon Dieu, que mon cœur veille, y de joie, exprime partout son ravissement. Quel beau jour, quel beau jour, quand Jésus ôta mes péchés. Il m'a pris à veiller, prier et vivre chaque jour dans la joie. Quel beau jour, quel beau jour, quand Jésus ôta mes péchés. L'engagement. Quand on fait ses savoirs, quel bon Toutes les douleurs sont parties. Amen. Parce que nous sommes écrits. Amen. Que je ressentais au dos. Amen. Signé frère Jean Tomba. Amen. Toi aussi, tu peux témoigner sa grâce. Amen. Dieu fait guérir dans l'immédiat. Amen. Sans argent, sans rien payer. Sans tarder. Amen. Ne fais pas traîner ces démons à côté de toi. Ne fais pas traîner ces démons plus près de toi. Mais qu'il aille loin de toi. Mais que Dieu seul soit plus près de toi. Mon Dieu plus près de toi, plus près de toi, au Hallelujah. Merveilleux, nous te remercions. Car ton amour pour nous est grand. Et ta présence près de nous est réelle. Ta fidélité est indiscutable. Et ton bouclier est avec nous, Seigneur. Tu es Dieu tout-puissant. Très élevé. Des plus élevées des positions. Tu veux remplir toutes choses. Nous l'avons proclamé ce matin. Chacun de nous l'a déclaré pendant la prière. Il est au-dessus de tous. Seigneur, tu es très élevé. Nous nous abaissons devant toi. Pour recevoir de ta part la mesure des grâces, la mesure du don de Christ, la mesure de l'esprit de Christ, l'onction qu'il nous faut pour cette chose à faire. Tu nous as taillé comme tu as voulu. Nous ne voulons pas imiter quelqu'un. Laisse que chacun reste ce qu'il est. Que tu l'utilises comme il est. Dans sa diversité. Amen. Et aide chaque frère, chaque soeur, particulièrement ceux qui ont levé les doigts, à faire l'exercice d'identification et à répondre d'après la vérité. Donner des réponses sûres. Éprouver sur toute la ligne. Pour l'identité du ministère. Les serviteurs que tu nous envoyons. Messager de l'âge. Père céleste. Aide chacun. Aide aussi ceux qui n'ont pas levé les doigts. Car ces affaires du royaume concernent tout le monde. Ce sont les secours des faibles et des plus forts. L'assistant de proximité. La source d'inspiration. Pour que le travail de qualité se fasse. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.